Please read your new text message. Chers passagers, dernier appel pour le vol Didier Co, porte d'embarquement 96 2FM. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Chères auditrices, chers auditeurs, chers passagers, bonjour. C'est Didier, votre pilote, qui vous parle. Bienvenue à bord du vol Alpha Echo Charlie 96.2, radio Arc-en-Ciel Orléans. Il est presque 14h et vous embarquez pour le vol Didier Co. Le rendez-vous qui ouvre les portes de tous les univers. Chaque jeudi, de 14 à 16h, je vous embarque à bord d'un vol découverte. 2 heures de talk show où l'on décortique les sujets les plus variés avec nos invités. En cabine, studio, VIP ou au bout du fil. Didier Co, c'est de l'insolite au fondamental, du débat passionné à la découverte surprenante. Les jeudis après-midi, où la seule limite est la curiosité. Retrouvez-moi en compagnie d'invités pour 2 heures d'échanges, de musique, de témoignages et de surprises. Bienvenue dans Didier Co, le talk show qui ne s'interdit aucun sujet. Art, science, société, sport, musique, passion, culture, l'essentiel est ici. Et pour finir ce voyage de 16h à 17h, on continue avec 1 heure de musique en haute altitude. Le temps du décollage, je vous demande d'attacher votre ceinture. Un petit point météo, le ciel est clair, la visibilité est bonne, le vent est nul. Paré pour le décollage. Notre altitude de croisière de 31 000 pieds, soit 9500 mètres. Vous pouvez déboucler votre ceinture. Vous êtes sur la fréquence 96.2 à bord du vol découverte Didier Co. Dans le premier volet du jeudi 19 février, nous avons exploré la genèse de la radiocommunication. Des signaux primitifs, tambours, feu, fumée, aux grandes inventions du 19e siècle, le télégraphe de Claude Chappe, l'électricité, le code Morse et les premières transmissions sans fil. Le 20e siècle a vu l'essor des ondes radio. Pendant les guerres, elles servaient à la communication militaire, à la propagande et à la résistance. Après-guerre, l'invention du transistor et la miniaturisation des postes ont permis les premières radios portables et FM locales, ouvrant la voie à la diffusion civile d'informations et de culture. Aux États-Unis, la radio de loisirs a explosé grâce au surplus du matériel militaire et à l'expansion des communications internationales. Pour éviter les interférences, la conférence de l'Union internationale des télécommunications à Atlantic City en 1947 a organisé la répartition des fréquences, attribuant notamment des bandes aux radioamateurs. Cette organisation a élargi les possibilités de communication de loisirs dans le monde entier. De cette évolution est née la Citizen Band, CB, qui a rapidement gagné en popularité dans les années 1950-1960 aux États-Unis avant de débarquer en France dans les années 70. La CB est vite devenue un outil de communication mobile et convivial, notamment pour les routiers et les passionnés de radio. Cette popularité a favorisé la création des premières associations de CB pour organiser les échanges, promouvoir la pratique et défendre les utilisateurs dans le cadre réglementaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir des invités qui ont, comme moi, été au cœur de cette aventure. Mais avant de vous les présenter, je vous invite à écouter une escale musicale suivie d'un flashback quelques 26 années en arrière. Attention, libellule. Bréco, bréco, couche-toi, libellule. Première étape de ces informations départementales, les cibistes d'un côté, les ambulanciers de l'autre ont décidé de rejoindre leurs efforts afin de se mettre au service de tous ceux qui sont dans le besoin, et cela dans les meilleurs délais. Ok, la station, ok, pas de problème, bien reçu. QRZ, c'est le nom de la personne. Hein. Le QRZ, c'est le nom de la station, si vous voulez, qui parle. Le village, tel que je le fais. Le bénévolat poussé jusqu'à l'abnégation, c'est l'équipe Secours Urgence, 24 heures sur 24, Canal 9, des amateurs qui se relaient pour transmettre l'information en cas d'accident dans un rayon de 10 km autour d'Orléans. Ici, on a le souci du détail, de la discipline et du devoir. Nuit blanche sur fond sonore de grande marée. Alors attention, si vous êtes sur le petit ruban avec votre TX, sur la nationale avec votre émetteur, n'appelez qu'en cas de réel besoin, à bon entendeur, badabouille, c'est-à-dire salut. Madame, Monsieur, bonsoir. Pendant tout le week-end, un formidable élan de générosité a mobilisé l'ensemble des régions françaises. Un élan qui n'a pas faibli. Des tonnes de produits alimentaires ont été collectées à la sortie des supermarchés. Exemple parmi toutes les initiatives, les cibistes qui estiment ne pas toujours jouir d'une bonne image. Eux aussi, ils se sont mobilisés pour le Kosovo. QRZ sur Pristina. Chez les cibistes, il n'y a pas que les antennes qui soient sensibles. L'association Équipe Secours Urgence vient en aide aux réfugiés du Kosovo. Elle organisait ce matin une collecte de denrées à la sortie des supermarchés. Message reçu 5 sur 5 par les habitants de Fleury-les-Aubrais. Et je pense qu'on est quand même un certain nombre à faire quelque chose de bien. Plus de 2 tonnes de nourriture et 1 tonne de vêtements ont été ainsi recueillis. Elles vont être acheminées. Les produits partiront au niveau des camps de réfugiés. Mais le souhait de Didier, ambulancier, est d'organiser lui-même un convoi et de le conduire dans les Balkans. Bref, suivre une opération humanitaire sur toute la ligne. On va passer à la station, oui, pour l'accident, il y a du monde. Oui, ok, la station, là, pour l'accident, tu passes sur le canal 9. Ouais, ok, parti. Oui, la station, la canal 9, équipe de secours, Jean Orléans, opérateur Jean-Marc, à votre écoute, transmettez. Ouais, bonjour la station, il y a un accident sur ton autoradis, tu peux faire le nécessaire. Oui, ok, la station, il faudrait de plus amples enseignements sur le lieu de l'accident, là. Dans quel sens de circulation, pour Paris ou Paris-Provence? Ah, l'accident est dans le sens Provence-Paris, là, moi je suis dedans. Ok, dans le sens Provence-Paris, quel PK, quel point kilométrique, s'il te plaît? Ouais, ok, attends, je vois pas trop, là, le PK, le point kilométrique, je vois une bande, je vois autoroute à 10, 86 dessous. Ok, c'est tout bon, c'est PK 86. Le nombre de véhicules en cause, s'il te plaît, l'ami. Ok, bah écoute, j'aperçois une voiture en travers sur la bande d'arrêt d'urgence et puis une voiture dans le fossé apparemment. Hein. Ok, donc une voiture dans le fossé, est-ce que tu aperçois des blessés? Bah écoute, la ville d'où je suis à peu près à 100 mètres, hein. Moi je suis pas dans l'accident même. Je vois les gens, ils sont sortis de la voiture qui est sur la bande d'arrêt d'urgence, mais je vois pas le fossé. Ok, sans problème, la station, bah écoute, je te remercie, je vais appeler les autorités compétentes. Est-ce que tu pourrais me revenir avec ton QRZ et ton prénom d'opérateur, s'il te plaît? Ouais, écoute, bah ici c'est l'opérateur Didier, là, la station KKV du 33. Ok Didier, sans problème, je te remercie. Bah écoute, c'est 73-51 de l'opérateur Jean-Marc, de l'équipe secours urgence. Je te demanderai de rester en stand-by sur le 19 au cas où j'aurais besoin de te recontacter pour plus ample renseignement. Voilà les amitiés, la bonne roulade et la prudence. Ouais, ok, merci l'ami et bravo pour ce que vous faites. Eh bien, 73 à les stations, c'est pour un SCTX. Voilà, eh bien, 73 à vous, les stations en face. Est-ce que tu me copies, l'ami? Didier & Co. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 MHz. Eh bien, bonjour Jean-Guy. Aujourd'hui, donc, on est le jeudi 12 mars. Voilà, bah, bien content au moins de t'avoir en fréquence. Pour une fois, il n'y a pas de problème de propagation des ondes. Donc, bienvenue à toi par téléphone sur le département 45, sur la radio Arc-en-Ciel, la 73, Jean-Guy. Merci beaucoup, Didier. Merci de ton accueil. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, ici, de la Vendée au Loiret, ma foi, les conditions de propagation sont excellentes aujourd'hui. Il n'y a pas de signal, mais la radio est très bonne. Ah bah c'est parfait. Donc voilà, effectivement, on avait eu un petit problème dernièrement pour t'avoir au téléphone dans le dernier volet, là. Donc on a refait ça aujourd'hui, spécial pour toi, pour que tu puisses un petit peu venir nous... de présenter aux auditeurs, aux auditrices de Radio Arc-en-Ciel. Il est un petit peu plus de 14h et pour l'instant, tout va bien. Donc, Jean-Guy, tu es un petit peu comme moi, un féru de la Citizen Band. Est-ce que tu peux te présenter sous ton indicatif et nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment cet indicatif et à quoi sert un indicatif? Alors mon indicatif, il y a encore des gens qui m'appellent par mon indicatif. D'ailleurs mon QRZ dans le langage radio et dans le langage civil, ben c'est Pharaon 85 tout simplement. Alors tout simplement, ça peut paraître prétentieux, mais en fait c'est par rapport à ma vieille passion pour l'Égypte ancienne, je dirais. D'accord. Grâce à un de mes instituteurs de CE2 qui avait l'art et la manière de nous apprendre les choses, disons. Qui avait l'art et la manière aussi de nous passionner pour beaucoup de choses. Et puis moi, j'ai accroché sur plein de sujets avec lui. Ouais. D'accord. J'ai accroché sur plein de sujets avec lui. Et quand j'ai commencé la CIBI en septembre 89, j'ai appris donc qu'il fallait se trouver un indicatif, donc un QRZ dans le. Il y a le code Q, on en parlera peut-être un peu plus tard dans le domaine de la radio. Et au lieu de prendre le nom spécifique d'un pharaon, genre Khéops. Ephraim ou Toutankhamon. Et ben j'ai pris ou pour un justement un Aron 85 pour la Vendée. Quoi. Voilà, ou pour un cibiste, tout ton camion, pourquoi pas? Tout ton camion, oui, ça aussi, oui. Il voilà. a dû y en avoir à l'attente. Oui, bien sûr, j'imagine. J'en ai pas eu, moi, en fréquence, parce que je faisais, comme tu le sais très bien, hein, je faisais un petit peu de cibi. Bon, pour les auditeurs et les auditrices de Radio Arc-en-Ciel, Jean-Guy et moi, nous sommes des connaissances de plusieurs années. On a plusieurs passions, dont la Citizen Band, qui nous a d'ailleurs réunis. Qui nous a fait nous rencontrer. On a été, on est auteur d'un livre qu'on a écrit à trois mains ou à six mains sur le clavier, avec aussi Ludivine Marie qui est peut-être derrière. Je ne sais pas, je l'ai pas eu dernièrement, mais bon, elle sera peut-être sur la fréquence ou peut-être par téléphone. Donc, tu es dans le département 85 en Vendée. Oui, effectivement, le QRZ, c'est l'indicatif dans la station. Alors, il y a le QRZ, je crois, qui est l'indicatif local, puis il y a un indicatif DX, hein, comme j'en avais parlé avec Nicolas Montbailly dans le dernier volet, où tu n'avais malheureusement pas pu venir. Enfin, toi, tu aurais pu, c'est nous qui avons un petit problème de logistique fréquence. Voilà, donc... Tu es cibiste, tu es toujours un petit peu cibiste apparemment, si mes renseignements sont bons. Oui, tout à fait. Oui. Plus maintenant en longue distance qu'en local, puisque en local, malheureusement, il y a beaucoup moins de monde qu'il y a ne serait-ce que 10-15 ans. Mais bon, moi, quand je roule, je suis toujours à l'écoute du 19. Si je change de véhicule, j'ai toujours, dans les jours ou dans les semaines qui viennent, la cibi est installée à bord. Et je suis toujours à l'écoute du 19 en roulant, et puis en fixe, après, je suis plus à l'écoute des canaux d'appel à longue distance ou de d'autres fréquences d'ailleurs, mais bon, je suis plus en longue distance en fixe qu'en mobile, quoi, et plus qu'en local, disons. Voilà, ouais, bon, le tout ce qui est BLU, tout ce qui est longue distance, on en a largement parlé avec. Avec Nicolas qui nous a un petit peu expliqué tout ça dans le dernier volet, sa dernière venue. Donc là, on va squeezer un petit peu ce côté-là. Je voulais plus que tu nous parles un petit peu plus de toi. Bon, je te connais très bien. Bon, je sais que tu as un lourd handicap, puisque d'ailleurs, il faut pas oublier pour les auditeurs et les auditrices de Radio Arc-en-Ciel, 96.2, que en fait, tu as été mon tout premier invité. Lors de ma toute première émission d'Edienco, c'est à toi que j'ai pensé et je voulais t'ouvrir donc les micros sur sur la problématique de l'handicap au quotidien et tu avais répondu très gentiment à cet appel par téléphone. J'étais un petit peu stressé sur cette première émission, mais voilà, tu avais bien expliqué et d'ailleurs on en parlera un petit peu plus tard, mais je crois que t'as quelque chose à m'annoncer à ce niveau-là. Bon, on verra ça un petit peu en fin d'interview, si tu me le permets. Donc oui, effectivement, tu es handicapé lourdement, on peut dire, hein, voilà, avec une maladie, que c'est la maladie de Hollier, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui. C'est une maladie rare de naissance, en fait, c'est une pathologie de naissance. D'accord. Une maladie génétique rare, comme il y en a plein d'autres, ça concerne une naissance sur 100 000 à peu près, et cette particularité fait que j'ai différents os qui sont déformés, en fait. C'est-à-dire que les cartilages, au lieu de pousser droit, poussent de travers, un peu comme des éponges, donc les os n'ont pas une formation normale. Ouais, d'accord, ouais, ok, pas facile pour beaucoup de choses, mais avec ça, tu m'as fait voir que tu savais très très très très bien te débrouiller avec un fer à souder. Notamment un jour où tu es venu sur Orléans et que tu m'as ressoudé un PMR à 446, si tes souvenirs sont bons. Enfin, si mes souvenirs sont bons. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Il m'arrive de te déplacer avec mon fer à souder pour des amis. Oui. Voilà. Et moi, Je ne l'ai pas toujours avec moi. C'était prévu. Ouais. Donc, voilà. Donc, je sais que tu as été très impliqué dans les années 80-90 au niveau de la Citizen Band. Alors, avant d'arriver dans ton association que tu as gérée, que tu as montée, que tu as fédéré pas mal de monde, est-ce que tu peux nous parler de tes premières approches au niveau de la Citizen Band quand tu étais un petit peu plus jeune? Quand j'étais un petit peu plus jeune, oui, d'abord, il y a eu l'époque Talkie Walkie avec les frangins, j'ai deux frères plus jeunes que moi, et on était toujours étonnés quand on parlait avec les Talkie Walkie, qui étaient des jouets de gamins, d'entendre d'autres personnes que nous parler. On ne comprenait pas, on se demandait ce qui se passait, on trouvait même que ce n'était pas normal, et puis il n'y avait pas grand monde pour nous expliquer. Et puis, euh, il y avait aussi, Max Meynier à la radio sur RTL, qui, avec les routiers sans sympa, dépannait plein de routiers le soir en particulier, qui faisait un relais, lui, justement, grâce à la radio nationale, voire internationale, en grandes ondes à l'époque, et puis en FM après, à partir de 81, a permis de rendre bien des services entre, justement, la CIBI, les routiers, et donc la radio en question, quoi. Il était un relais, et moi, ça me passionnait. Le soir, j'écoutais, mais comme beaucoup d'ados à l'époque, on écoutait avec le petit transistor sous les draps le soir, ou à côté des draps, et ma foi, c'était toujours un plaisir d'écouter cette voix qui était vraiment une voix de légende sur les ondes, quoi. D'accord. Donc il y a eu ça, et puis après, en 89, malheureusement, mon papa est disparu très subitement. Je restais chef de famille à 19 ans et demi, avec donc deux petits frères, et ma maman qui conduisait pas beaucoup, parce que papa lui avait tous ses permis et il était capable d'emmener n'importe quel genre de véhicule n'importe où. Donc c'était toujours lui qui conduisait. Maman, j'aimais beaucoup conduire, il a fallu donc qu'elle s'y mette à ce moment-là, et moi tout de suite j'ai pensé à notre sécurité à bord, parce que je me disais, si jamais on tombe en panne, alors pas la vulgaire panne d'essence, hein, mais plus un autre problème, notre voiture n'était pas récente, bon, je me disais, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Moi, je peux pas marcher, les frangins sont pas vieux, maman, pas toujours en forme, ça me paraissait pas évident de circuler sans avoir de moyens à bord pour communiquer. Et puis, à ce moment-là, 89, les téléphones portables, ça n'existait pas, les seuls types de téléphones mobiles qui existaient, c'était les Radiocom 2000, qui coûtaient cher, qui étaient lourds, qui étaient, ouais. Voilà, c'était... Voilà, c'est ça. C'était des trucs par satellite, non ? Non. Ah non, oui, c'était le boîtier à la main qu'on portait, oui, effectivement. Ouais, C'était en VHF. En fait, ils passaient en VHF. À l'époque, les gens qui avaient des scanners pouvaient les écouter. Ça passait par des relais, comme des radios de pompiers. Oui, ça y est, je me rappelle. Là, j'ai confondu avec le... C'est vrai qu'il y a quelques années. Ou les taxis aussi, à l'époque, les taxis ambulances, ils avaient ça déjà. D'accord. Alors, ils avaient ça. Ils avaient des radios. Ils n'avaient pas spécialement des radios comme 2000 à bord de leur véhicule. D'accord. Ils avaient des radios qui, à ce moment-là, étaient en analogique, donc qu'on pouvait écouter avec des scanners. D'accord. Et bon, donc hors de question d'avoir ce type d'appareil, puisque ça coûtait une blinde et que l'abonnement était hyper cher aussi. Et il se trouve que j'avais un de mes voisins qui avait une grande antenne sur sa maison qui m'intriguait beaucoup depuis un certain temps. J'avais jamais eu l'occasion de lui en parler. Il avait du fioul, il avait aussi une grande antenne sur son camion. Et puis un jour, j'ai dit à maman, je dis, écoute, est-ce que tu m'autorises à aller voir Bernard Bernard, oui, d'accord. Eh oui, c'était Bernard. C'est toujours Bernard, on est toujours voisins, d'ailleurs. D'accord, ok. J'ai changé un peu de quartier, mais on est toujours pas loin l'un de l'autre. J'ai encore lu il n'y a pas très longtemps. J'ai eu l'occasion de lui offrir un de mes livres, d'ailleurs, parce que je parle de lui, évidemment. Il était super content. D'accord. Et du coup, bah, Bernard, il a été mon maître, mon initiateur, mon maestro dans le monde de la radio et de la CIBI en particulier. Il m'a tout expliqué, qu'il y avait des postes mobiles, des fixes, des portables, etc. etc. D'accord. Et donc, en septembre 89, bah, j'ai acheté mon premier portable. Eh bien, ça tombe très bien. On va en parler dans quelques instants. Tu sais que nous sommes une radio associative, donc Radio Arc-en-Ciel 96.2. On émet sur Orléans en FM et bien sûr en streaming sur les réseaux Internet. Eh bien, je vais en profiter. Je pense que tu vas connaître ou tu vas reconnaître la personne que je vais te passer en musique, parce que bon, de temps en temps, dans cette interview, on fait des escales musicales, et je vais te passer un titre d'une artiste qui est dans le 85, qui s'appelle Nancy, et je pense que tu la connais, donc je te reprends tout de suite après, le temps de passer le petit morceau de Nancy. Voilà, je te laisserai découvrir le titre. J'ai des rêves un peu trop grands pour moi, les ailes trop lourdes pour m'envoler, mais ces rêves me gardent debout, tu vois. Toutes ces années, je n'ai fait qu'essayer. J'ai des douleurs et des peurs qui ne sont pas à moi. Je me fous de qui les a laissées par erreur. J'ai des espoirs et des envies de roi. J'y suis, j'y reste, et j'amène toutes mes couleurs. chemin des plus difficiles, c'est celui où je me sens chez moi. Les obstacles sur la route semblent indélébiles, mais je pense, tu vois, un pas à la fois. Quand je serai grand, je chercherai l'amour. Je l'ai pas trouvé dans mes tout premiers jours. Quand je serai grand, je ne serai plus une princesse avec un amour qui brûle et un jour. Quand je serai grand, je ne serai plus heureux. Quand je serai grand, j'essaierai de t'aimer. Quand je serai grand, je serai heureux. Quand je serai grand, je serai vivant, une brillante et classique qui sourit. Quand je serai grand, je prendrai toutes les chances, vivrai fière. Enfin oser empoigner la vie, l'amour, les amis, danser sous la pluie, et surtout compter sur moi. Quand je serai grand, ça va de soi. Je serai moi. Quand je serai grand, je serai vivant. Voilà, donc Jean-Guy, tu as pu écouter ce morceau de Nancy, tu as pu reconnaître le titre. Oui, quand je serai grande. Ah ben bah, oui, il faudra manger de la soupe, Nancy. Faudra manger de la soupe, je connais aussi Nancy. Elle l'a entendu. Ouais, j'imagine bien, c'était un petit clin d'œil, voilà. Nancy est une grande amie à Jean-Guy, excuse-moi, j'ai mangé ton prénom, parce que je sais qu'en plus de ça, tu l'aides un petit peu sur le côté technique dans ses sorties et tout ça. Donc voilà. Disons qu'on s'aide mutuellement. Voilà, c'est une entraide mutuelle, hein. Parfait. Ok, donc ton handicap, Bernard, oui. Et donc ta première CB. Ma première CB, donc un portable Stabo SH7700 pour les connaisseurs. Et du coup, ben, l'intérêt du portable, c'est que ben, on peut l'emmener partout, et donc ben, on faisait plus une sortie en voiture sans avoir le portable. Alors bon, il fonctionnait pas en permanence parce que c'était un gros consommateur de piles. Mais l'intérêt, c'est que à la maison, ben, je pouvais l'avoir sur mon bureau. Je faisais des cours par correspondance à l'époque, donc je pouvais écouter en même temps ce qui se passait sur le canal 19. Et puis, je commençais même à faire des premiers contacts, ben, dont, bien sûr, avec mon ami Bernard, puisque c'était le voisin. Donc, quand j'entendais le camion, hop, je disais, aigle noir, hop, oui, toc, on changeait de canal. On parlait 500 mètres, des fois un peu plus, et puis il y avait ce qu'on appelle le QRF béton, c'est-à-dire que avec son camion, ben, il partait entre les maisons, et puis ben, je l'entendais plus. Et puis, ben quand oui, il revenait, c'est lui qui me rappelait. Pour me redire un coup de pied. D'accord, et t'as déclenché voilà, le. Voilà. Et après, donc, tu as embarqué, parce que bon, comme on l'a écrit, j'ai embarqué toute la famille. Voilà. Et tu as embarqué, donc, notamment dans un véhicule en cas de problème. Hein. Si j'ai bien lu ce que tu as écrit sur le livre. C'est ça, l'idée, c'était donc d'avoir un poste rattaché au véhicule, je dirais. Donc. À l'époque, il n'y avait pas le Minitel, il y avait le début du Minitel, oui, mais il n'y avait pas Internet. Et donc, les petites annonces, c'était sur les journaux. Donc, je lisais beaucoup les journaux de petites annonces pour voir un peu ce qu'il y avait comme matériel à vendre. Bon, la CB, à ce moment-là, il y en avait pas mal sur les journaux. Et donc, j'ai trouvé un petit poste, un petit Harry, un petit président avec une grande antenne qui faisait. Enfin, oui, c'était impressionnant. C'était une antenne en fibre de carbone, donc qui était noire, et que j'avais mis sur le. le coffre. Ah de oui, c'était des antennes un petit peu. C'était des antennes torsadées, c'est ça hein. De mémoire. Ouais, elles étaient... torsadées avec un gros brin noir. Oui, ouais. Voilà. Ouais, ça, c'était, ouais. c'était vraiment des antennes. On réglait, ce qu'on appelle le TOS avec un embout qui était embout qu'on rentrait ou qu'on descendait. Parce que bon, il y a toute une Alors, technique. Pas Non, pas celle-là, pas d'accord. Celle-là, il y en a eu qui se mettaient à la place des antennes d'autoradio sur les pavillons, qui se réglaient comme ça, effectivement. Ah, oui. Et moi, celle-là, il y avait un vrai réglage de TOS en bas. Le TOS, on en a un petit peu parlé, mais très peu, c'est vrai qu'on a très peu parlé de technique. Le TOS, c'est ce qu'on appelle le taux d'onde stationnaire qui doit rester, suivant la puissance qu'on envoie dans le câble, enfin pour aller dans le TX, pour titiller un petit peu la fréquence. Et s'il y a un trop gros TOS, ça peut causer quelques problèmes. Voilà, le mieux c'est d'avoir. Le mieux c'est d'en avoir pas beaucoup. En fait, on devrait parler de ROS. ROS, tout à fait, oui. C'est le rapport. Le rapport d'onde stationnaire. Et c'est un rapport qui est toujours sur 1. Donc en fait, si on ne règle pas ce rapport, si on ne règle pas l'antenne, si on n'accorde pas l'antenne par rapport à la fréquence sur laquelle on se trouve, donc en l'occurrence la CB, la fréquence de la CB, 26-27 MHz, c'est un peu comme si on jouait avec une guitare désaccordée. Pour nos auditeurs, ça leur donne un petit peu une image. Ah, bah... Et ça fait qu'il y a une partie de la puissance qui est perdue et qui revient en fait dans le poste et qui peut endommager le poste. Voilà. Il y a des très bons musiciens qui jouent avec des guitares un petit peu désaccordées, mais ça c'est un autre débat, Jean-Guy. On rentrera pas dans le sujet, j'en ferai venir un jour. Voilà, donc tu as continué dans le milieu de la CB, bon, tu as fait pas mal de choses, et notamment tu as été président d'une association. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur Arc-en-Ciel 96.2? Ouais, avec grand plaisir, ouais. Et donc, j'ai suivi le chemin de beaucoup, c'est-à-dire qu'après avoir été équipé en mobile, un beau jour, on s'équipe en fixe, donc il a fallu quand même presque 2 ans pour passer du premier petit portable à un vrai poste fixe et une grande antenne qui impressionnait beaucoup de monde à l'époque, et parce oui. que c'est des antennes qui font 5-6 mètres de haut, donc quand on met ça dans un lotissement, il y en a que ça rend malade. Enfin, surtout à ce moment-là, parce qu'on faisait... Bon, la CB brouillait beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a plus de brouillage avec le numérique, la TNT, la télé par Internet, tout ça. Il n'y a plus de problème. Ouais, parce qu'à l'époque... Mais, il n'y a presque plus de CB non plus. Donc, hein. Ah bah oui, voilà. Mais bon, la CB, c'est souvent des effets de mode. Peut-être que la CB, elle reviendra... Bon, sur l'analogique, je ne sais pas. En numérique, je sais qu'il y a eu une application. Bon, on n'en parlera pas parce que ce n'est pas le sujet. Mais il y a une application, enfin il y a eu plusieurs sociétés qui ont monté des applications qui ont fonctionné ou qui sont fonctionnelles plus ou moins bien. Et voilà, c'est pas du tout le même, c'est plus du tout la même chose. Voilà, notamment par une des sociétés qu'on connaît bien tous les deux. Voilà. Donc parle-nous plutôt de ton association. Je sais que bon, tu as fait pas mal de choses. Tu as organisé des chasses aux renards. On en a parlé un petit peu avec ça, on en a parlé même pas mal avec Nicolas Montbailly. Mais les assistances, et puis tu avais un autre sujet qui te tenait à cœur, dont tu parles un petit peu dans ton livre, enfin dans le livre qu'on a coécrit, et tu en parles un petit peu dans un autre manuscrit que tu as fait. On en parlera tout à l'heure. Oui, alors du coup, une fois avoir été... installé en fixe, et ben après on a envie de faire des contacts à longue distance, et pour faire des contacts à longue distance, généralement on donne pas son adresse personnelle, on passe plutôt par un club et par une boîte postale. Voilà, donc, tout à fait. Ouais. Et d'abord adhérer à une fédération, parce qu'à l'époque la fédération en question faisait le lit 1 et renvoyait les cartes QSL à domicile, donc c'était pratique. Alors encore le code QSL, donc c'est la carte de confirmation de contact pour nos auditeurs. Et donc, excuse-moi, le code Q n'a rien de péjoratif, hein, pour les auditeurs qui n'ont pas écouté l'émission précédente, donc c'est sur le podcast. Le code Q était un code qui était issu du Morse, qui avait été abandonné par l'armée, qui a été récupéré par les radioamateurs et qui a été récupéré par les RA et par les civistes. Et la lettre Q, c'était une des lettres les plus rapides et les plus faciles à taper. Donc en fait, ils tapaient toujours 3 lettres pour justement la clarté de la liaison radio, QRZ, QRT, chaque lettre, chaque diminution, comment on appelle ça, les diminutifs de QRA, QSO, tout ça, voulait dire quelque chose. Donc tout le monde avait le code Q, on le connaît à peu près tous par cœur ou pas loin. Il est long quand même. Et voilà, donc on parle de code Q par la lettre Q, c'est le comme le CQ des X, voilà, l'appel longue distance, par exemple. Ce qui est intéressant à dire par rapport au... On va revenir sur l'association après. Ce qui est intéressant à dire par rapport au CQDX, dont vous n'avez pas parlé avec Nico, c'est que l'expression en question, donc DX d'abord, c'est longue distance. Pourquoi longue distance? Parce qu'en fait, distance X, donc distance inconnue. Tout à fait. Et CQ, hein. Pourquoi CQ avec les deux lettres C et Q? C, donc en anglais, c'est si, bien sûr, et le Q, c'est Q. Mais en fait, ça vient de seek you, du verbe seek, c'est-à-dire rechercher, c'est-à-dire I seek you, je vous recherche. Ah d'accord. Je vous recherche, ah, ouais. je lance un appel, je vous recherche dans le sens où je recherche un contact, mais je recherche un contact DX, je recherche un contact longue distance. Longue distance, donc inconnu, vers un inconnu, mais voilà, CQDX, quand on lance un appel, c'est ça. En fait, je recherche un contact longue distance. Voilà. Donc, et avec. Le CQ, c'est l'abréviation de CQ, to seek, rechercher. Ouais, ouais, d'accord. Ok, ouais, ouais, bah voilà, tu vois, on en apprend tous les jours. Moi, ça, je l'avais un petit peu occulté. C'est vrai qu'avec Nicolas, on en a pas parlé, parce qu'on avait beaucoup de choses à dire aussi. Et voilà, donc on peut pas parler de tout, et bon là ça rentre un petit peu dans, mais tu as très bien fait de le confirmer, de le dire, ça prouve que tu étais à l'écoute de l'émission malgré que je n'ai pu discuter avec toi. C'est bien, tiens un bon élément. Donc si on revenait un petit peu. Ah oui, on t'a un petit peu titillé. Si Jean-Guy était là, il nous l'aurait dit. Bah oui, bah oui, je vous le dis. Ouais, d'ailleurs, tu m'as envoyé quelques messages. Hein. J'ai reçu quelques messengers, voilà. Ouais. Donc revenons à nos moutons, ou plutôt à ton association. Donc après cette fédération, il se trouve que j'ai eu en fréquence un monsieur qui est devenu un ami, qui s'appelait Michel. Peut-être qu'il nous écoute, mais il nous écoute de là-haut s'il nous écoute, parce qu'il est parti il y a bien longtemps maintenant. Albatros, qui était un directeur commercial, et la première fois où je l'ai eu, c'était pour une recherche de personnes, et il avait un tout petit poste et une toute petite antenne, et puis le fait de m'avoir côtoyé a fait que, la fois d'après, le matériel avait complètement changé, et je l'entendais encore de beaucoup plus loin. Mmh. Voilà, je ferme la parenthèse, il était donc membre d'un club qui était à l'époque les India Fox à La Roche-sur-Yon, qui était aussi affilié à une fédération, mais la fédération... opposé à celle où j'étais moi. D'accord. Et puis il y avait pas de club ici, donc j'ai adhéré aux India Fox en 85. J'en suis devenu vice-président, j'ai entraîné beaucoup de monde dans mon sillage, et puis un beau jour, comme dans beaucoup d'associations, il y a eu des histoires, il y a eu des jalousies, il y a eu des scissions, un petit peu comme la politique, hein, c'est pareil, hein. Qui aura la plus grosse et la plus grande. Antenne. Et donc, tu parles de l'antenne. Hein. Ouais, antenne, ouais. Oui, ouais, sûr, c'est ouais. Ça. Oh, l'ego, c'est surtout l'ego, en fait. Oui. Et des jalousies, quoi. Des gens qui sont pas capables de faire, mais enfin bon, bref, je ferme la parenthèse. Et du coup, il y a un ami qui lui s'y connaissait dans le monde associatif, mon ami Fernand Pélican, qui me dit, écoute, Jean-Guy, le mieux c'est qu'on crée notre asso, tu t'embêtes pas, je vais t'aider, on va faire les statuts, et puis on va faire ça. Et donc, on a lancé une association, on était 6 au démarrage. L'association s'appelait Claris pour CB, logistique, assistance, radioguidage, information. Radioguidage, d'accord, oui. Ouais, d'accord. Voilà. Et en 2007, elle est devenue, on a remplacé le I d'information par informatique parce que on avait donc des gens qui s'intéressaient plus à l'informatique qu'à la radio qui venaient nous rejoindre. C'était pas un problème parce que ça nous intéressait aussi et qu'on avait une salle pour faire des soirées d'entraide et d'information, d'accord. Donc c'était très bien. On parlait des deux en même temps. Cette association... Eh ben écoute, cette association, on va le savoir un petit peu plus tard, j'ai un petit peu d'escale musicale à passer, si tu me le permets. Donc comme on a découvert Nancy, là aujourd'hui j'ai décidé un petit peu de faire découvrir les acteurs de la région centre, enfin les acteurs, les artistes, auteurs, compositeurs, et là je vais passer un morceau d'un ami qui sera le 11 avril en... en préparation donc pour le 11 avril à la MAM, à la maison de la MAM du côté d'Orléans Sud. Voilà, et donc c'est un morceau d'Alex Le Bail. Donc je te récupère juste après Alex Le Bail. C'est parti. Didier Nico, Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 MHz. C'est Stéphane de Saran et j'écoute Didier Henko sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Alors, on en était à Clarisse, donc civil, logistique, assistance, radio guidage, information, service. Et avec Clarisse, on a été jusqu'à 30 adhérents, je crois, à l'époque. Ouais, 35, 40, peut-être, je ne sais plus. Enfin bon. On avait différentes activités dans l'année, donc on avait organisé des brocantes radio-informatiques qui avaient un vrai succès, on faisait des rallyes touristiques, j'avais fait un rallye touristique à la base, le tout premier pour les India Fox, pour leur montrer un petit peu ce qu'il y avait dans le coin, et puis parce qu'ils étaient à l'autre bout de la Vendée en fait, et dans le centre de la Vendée, nous on est carrément à l'est, donc c'était histoire de se balader... Excuse-moi, ils vont bien. Oui. Ouais, voilà. Oui. On se taquine, ouais, ne vous inquiétez pas. Sur Arc-en-Ciel, Jean-Guy est une connaissance. Oui, allô. Et pourtant, moi, j'ai une amie, Éléonore. Eh oui, Éléonore, mais bien sûr. Ah oui. Bon, toujours, ouais. Toujours le goût pour rien. Ouais. Donc voilà, on a effectivement fait ce qu'on appelle des chasses ornards. Donc ça, c'est un jeu de de civiste ou voilà, d'radioamateur. J'en ai parlé à un gendarme il n'y a pas longtemps de ça. De recherche ouais, de... Des recherches de balises voilà. et éventuellement de recherche de personnes. De porteuses. Et puis on a fait... on a fait déjà à l'époque, on a eu des interviews radio, on a eu une interview télé sur une télé locale, on avait une petite renommée, on était souvent sollicité. Bon, moi j'étais donc en fixe et ayant pas mal de temps à disposer, ben j'étais à l'écoute très souvent pour faire des radioguidages, pour appeler les secours, parce qu'en fait en étant en fixe, on était un relais entre les usagers de la route et les autorités, ou par exemple la DDE, les moyens de nettoyage des routes, etc., les pompiers, enfin en cas d'accident, en cas de panne. Il m'est même arrivé de faire déplacer mon médecin une fois dans la cabine d'un camion parce que le routier appelait au secours et il avait le dos complètement bloqué, ouais. Il ne pouvait plus bouger. Tu connais ça, les... J'ai fait déplacer mon médecin. Tu connais ça, toi, les cabines de camion, hein. On va en parler un petit peu juste après 24 heures du Mans. Ouais, à cette époque-là, à ce moment-là, j'étais pas monté dedans. Ouais, mais bien sûr. Donc, Clarisse, les assistances, le côté utilitaire. Et puis, il y avait les assistances aussi, oui. Alors, les assistances, on a fait aussi des encadrements, donc, de manifestations, comme les 50 ans de la mort du maréchal de Lattre. On avait fait la fête de la musique plusieurs fois, le parcours du cœur. Enfin, voilà. Ouais, là, c'est des assistances logistiques, un petit peu. Vous aidiez avec les. Parce que bon, voilà. tu sais très bien que j'ai. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est un petit peu connus. Hein. J'ai écrit un premier livre, de la CIBI à l'humanitaire, 73-51-88. Tu me l'as commandé et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés par téléphone d'abord et après par visu tu as fait le déplacement sur Orléans. Je me suis déplacé aussi chez toi lors d'un interview justement sur ce même d'une conférence radio sur ce sujet-là et voilà, donc on connaît un petit peu tous les deux le système. Tu as fait beaucoup d'assistants, j'en ai fait aussi pas mal, mais revenons à toi parce qu'aujourd'hui c'est ton heure, hein. Oui, donc les assistances aujourd'hui c'est complètement différent. Il y en a plus. Il y a plein de clubs qui en font, mais aujourd'hui ils utilisent des moyens radio autres que la CIBI, la plupart. Alors que nous, l'intérêt de la CIBI, c'est que bon, d'abord on était des vrais amateurs et des vrais passionnés. Moi, je le suis toujours. Et l'intérêt, c'est que même dans une zone, par exemple accidentée, de forêt, de bois, voire de montagne, même pour certains, la CIBI passe dans beaucoup d'endroits où même les téléphones portables ne passent pas. Ouais, ça peut être un sujet intéressant qu'on peut développer un petit peu plus tard dans cette interview. Je vais y arriver, je bafouille un petit peu par téléphone. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans et c'est toujours Didier & Co avec Jean Guibray qui nous parle un petit peu de ses mésaventures et de sa connaissance et de ses compétences en CIBI. Et si tu me le permets, c'est encore l'heure. J'ai quand même pas mal d'escales musicales à passer. Donc, je vais en profiter. Alors, on a eu Alex Le Bail. Et là, je vais passer... C'est une YL. Je vais te passer un petit morceau de Alex Le Play. Voilà, Le Bail, Le Play. Ah, voilà, Alex masculin et féminine. Qui sera d'ailleurs dans une de mes émissions, qui viendra nous parler un petit peu de son côté autrice, compositrice, interprète. Et elle sera dans les locaux de Radio Arc-en-Ciel incessamment sous peu, début mai, je pense, parce qu'elle sort un album. Voilà, ben je vais passer sur le côté escale musicale avec Alex Le Play. Leaves alone. Bonjour, c'est Stéphanie d'Orléans. J'écoute Didier & Co sur 96.2 Orléans à Arc-en-Ciel. Bonne journée. Donc Jean-Guy, oui, tu nous disais que tu faisais des assistances, comme j'en faisais aussi. Les chasses aux renards, la recherche de balises. Et tu étais notamment bien investi dans... Alors, c'est pas le côté Saint-Bernard. On va dire le Saint-Bernard de la route un petit peu, si ça peut te donner une idée de ce que je veux te faire parler. Oui, c'est un peu ça, oui. Ce que je disais tout à l'heure par rapport aux éventuels accidents et incidents qu'il pourrait y avoir sur la route, les intempéries, les flaques de gasoil sur les ronds-points, la neige parfois, le verglas aussi. On n'en a pas très souvent ici maintenant, mais il y a eu des époques où il y en avait pas mal. Qui dit verglas dans une côte dit qu'il y a un camion qui bloque et que derrière il y en a 2, 3, 4, 5, 10 de bloqués. Donc ça crée tout de suite le bazar et c'est important de pouvoir prévenir les services des routes pour aller faire du nettoyage, les autorités pour faire la circulation. Donc voilà, c'était aussi notre rôle. Alors au début j'avoue que c'était compliqué parce que personne ne me connaissait au niveau des autorités en particulier, que ce soit la gendarmerie, les pompiers. On passe un petit peu pour un rigolo parce que ils nous connaissent pas. La CIBI n'est pas tellement bien vue. Voilà, on a beau donner notre nom, notre prénom, oui, ils nous prennent un minimum au sérieux, mais oui, sans un minimum, plus. Ouais, voilà. Ouais. Et puis au fil du temps, ils se rendent compte que finalement, quand on leur donne des infos, c'est pas des fakes, comme on dirait aujourd'hui, c'est pas des âneries, quoi, c'est la vérité. Il y a bien une voiture qui est en vrac dans tel virage, dans tel village ou sur tel national ou sur tel départemental. Et puis que, effectivement, si c'est nous qui appelons, c'est que c'est du sérieux et qu'il faut y aller, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, c'est une reconnaissance à la fois pour la personne et aussi pour l'association qui, dans ces cas-là, prend un peu d'ampleur, qui peut se permettre, par exemple, quand elle fait un rallye touristique, d'aller dans une mairie, de dire bonjour, voilà, on est l'association Clarisse. On organise un rallye. Bonjour Monsieur le Maire. Est-ce qu'il y a des choses particulières à voir vers chez vous? Est-ce que ça nous permettait aussi d'aller par exemple dans des propriétés privées parce qu'il y avait un pigeonnier, parce qu'il y avait quelque chose de sympa à voir. Et c'est la notoriété après et le sérieux de l'association qui faisait qu'on pouvait continuer à avancer et puis organiser des choses même vis-à-vis de la mairie. C'était important. D'accord. Quand on voulait une salle par exemple et autres, c'était bien, quoi. D'accord. Et tu me disais, tu me disais, ça je le sais, mais les auditeurs ne savent pas que je le sais. et en fait, tu faisais, quand je disais aussi le Saint-Bernard de la route, tu aidais beaucoup nos amis les routiers qui sont sympas, un petit peu comme le faisait Max Meynier. Toi, tu le faisais en fréquence, un petit peu, tu faisais du radioguidage, comme tu le décris un petit peu dans ce livre qu'on a coécrit, donc Citizen Band de la CIBI, ce réseau oublié, qui a été d'ailleurs préfacé par Sébastien Ponchelet, qui a remplacé, alors lui c'est sur 107.7, sur autoroute, radio autoroute quelque chose, 26 je crois, et Sébastien Ponchelet qui a fait la nouvelle émission de Les routiers sont toujours aussi sympas. Est-ce que tu confirmes? Je l'ai sous les yeux, donc je pense que tu ne peux que confirmer. Mais bien sûr, Sébastien, c'est un ami, oui, quelqu'un de aussi sympa que les routiers d'ailleurs. Il ne s'estime pas lui comme étant le successeur de Max Meynier, parce que c'est l'émission, c'est dans l'esprit de. Voilà, de Max, voilà, tout à fait. C'est dans l'esprit de celle de Max Meynier, mais avec des moyens de communication moderne, avec plusieurs points aussi de chute et d'écoute pour savoir ce qui se passe sur les autoroutes, oui, puisque c'est le réseau Vinci Autoroutes qu'on salue au passage. Et donc Sébastien, j'ai l'occasion de le rencontrer, je le vois au moins une fois par an. Et donc oui, les radioguidages, c'était C'était avant les GPS et avant le téléphone portable. C'est-à-dire qu'il y avait des stations fixes un petit peu partout en France, dans les villes ou dans les villages. Certains qui se levaient très tôt le matin, comme des boulangers par exemple, il y en a eu pas mal qui étaient à l'écoute le matin, et puis qui étaient là pour guider les routiers, pour leur éviter de prendre des voies interdites aux camions, pour les emmener à leur destination, dans la cour même de l'entreprise qu'ils allaient livrer. Bon, moi ici, je suis dans une zone assez rurale, c'est une petite ville, mais il y a beaucoup de fermes et d'exploitations agricoles autour, donc moi, je m'étais équipé de cartons à 25 millièmes, mais j'emmenais, entre guillemets, hein, par la radio, j'accompagnais les gars jusqu'à la porte de la ferme, quoi. Donc de temps en temps, ils me disaient, mais c'était incroyable, tu me suis ou quoi? Parce que j'allais leur indiquer les calvaires, les transformateurs électriques, enfin, tout ce qu'ils pouvaient faire, qu'ils pouvaient se repérer sur la route alors qu'il n'y avait rien. Ouais, t'as ça à droite, tu verras, tu vas faire à peu près 100 mètres, t'as ça à gauche, Et que c'était des petites routes communales, parce que leur camion. Donc, ils me disaient, mais comment tu fais, quoi? Alors, comment je fais? Ben, avec une carte à 25 millièmes, on a tout, on a les courbes de niveau, on sait si ça monte, si ça descend, si effectivement il y a un calvaire à 200 mètres à droite ou à 500 mètres à gauche. Ouais, donc, en fait, tu les captais où ils venaient te chercher sur le canal 19, hein, et vous basculiez un petit peu comme nous, on avait. En général, sur le 22. Voilà, sur le 22 qui était un petit peu. Alors, il y avait des canaux d'appel, hein, sur la Citizen Band qui comptait 40 canaux en amplitude de modulation. C'est toujours pareil. Voilà. Et en fait, le canal 19 était à peu près en moitié de la galette, donc en moitié du potard à potentiomètre qu'on tourne. Et donc il y avait le canal 9 qui était beaucoup plus bas, qui était issu du 911, enfin aux États-Unis et tout ça. Donc le canal 9 qui était un petit peu plus bas dans la fréquence 27.065. Et puis un petit peu partout en France, on avait pour pas brouiller les fréquences autour du canal 19, on se décalait un petit peu de 3 crans, on allait sur le canal, en général, canal 22, voire 23, mais c'était plus souvent le canal 22, et c'est là que j'avais aussi monté, j'avais une équipe de radioguideurs et radioguideuses indépendants m'avait rejoint au niveau de l'ESU, et on avait monté, nous aussi, le l'ESU Ergo, et on cartonnait pas mal, dont j'avais un radioguideur, alors j'ai plus son prénom, c'est Robert, c'était Boxer, et lui, il arrivait à faire 6-7 radioguidages, voire 8 à la fois. C'était vraiment une bête, hein. Une bête, et il tournait de 5-6 heures le matin jusqu'à midi, parce qu'après les heures de livraison, tout ça, il n'y a plus le droit. C'est un petit peu votre truc aussi, ça, de votre côté? Moi, j'en faisais plus le matin que l'après-midi, oui, mais l'après-midi, on avait affaire à une autre population, mais moi, le matin, j'ai entre autres aidé pendant des mois, voire des années, les livreurs de Chronopost. D'accord. Qui faisaient carrément faire leur tournée, quoi. Ok, ok. J'avais aussi, par exemple, des... c'était assez marrant, d'ailleurs, il y en a un qui s'appelait la Globule, le mec qui transportait du sang. Ah oui, ouais, bah pourquoi pas, hein. Il y avait la Globule et Dracula, je me rappelle. Ah oui, d'accord. Et je leur faisais... On discutait, bon, après, oui, ils savaient où ils allaient, parce qu'ils faisaient les labos et les hôpitaux, quoi, donc c'était assez vite fait, quoi, mais c'était toujours sympa de discuter avec eux. Ouais, mais... J'avais aussi deux gars qui sont devenus des amis qui bossaient pour France Télécom. Alors c'est marrant parce que à l'époque, donc ils installaient les lignes téléphoniques, tout ce qui avait de plus traditionnel, évidemment, les Minitel et tout ça. Mais pour communiquer entre eux, ils avaient la Sibi dans les voitures. D'accord. De France Télécom. Donc Fantomas et Yann, qui étaient très présents en fréquence. Donc ils discutaient tous les deux. Puis de temps en temps, salut Pharaon. Et voilà. Et puis après, ils venaient prendre un petit café de temps en temps. C'était super sympa, quoi. Voilà, ouais, bah c'est tout ça. Bah nous aussi, on travaillait beaucoup au niveau des radioguidages. Nous, on avait été à l'époque aidés par la DDE qui nous avait filé des plans. On avait toute la hauteur de pont, enfin tout ce qui était vraiment. On avait vraiment étudié et le fameux Robert et notamment Christine. Alors ça, c'est marrant, mais Christine qui était la présidente au départ d'Ergo, enfin qui restait présidente quand on l'a montée, qui était à l'initiative des radioguidages, s'appelait son QRZ, c'était Arc-en-Ciel. Et son prénom, c'était Christine. Alors, un petit clin d'œil à notre présidente actuelle d'Arc-en-Ciel, qui s'appelle aussi Christine, et que je verrai, à la Foire Expo incessamment. Puisque nous serons avec Arc-en-Ciel à la Foire Expo d'Orléans à partir du 20, je crois que c'est le 20, ça sera le vendredi 20. Voilà, et on aura un stand, et moi j'y serai aussi. Je ferai mon émission le 26 directement de là-bas, et je serai sur le stand Radio Arc-en-Ciel. Voilà, ça c'était en aparté. Il nous reste encore à peu près une petite dizaine de minutes, hein, donc on va parler des radioguidages, tu en as parlé. Je sais que tu es auteur aussi d'un livre que tu m'as gentiment, qui est formidable, qui est très joli, qui s'appelle la Citizen Band de l'initiation à la passion. Tu as écrit ce livre, alors c'est pas une histoire, c'est un petit peu plus technique, je le regarde, page 23, tout ça, il y a plein de photos, il y a l'explication justement du réglage du TOS, ou du ROS si tu préfères, les amplis, il est bien achalandé. Donc il a été préfacé par Nicolas Grumel, qui est en l'occurrence le rédacteur en chef du magazine France Route, donc c'est quelqu'un qui sait écrire. D'accord, oui, pas comme moi. Je le salue au passage. Voilà. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire que pour faire une préface. Oui, bien sûr. Je l'ai là. Voilà. Et Sébastien m'avait dit, bah, bien sûr, tu peux demander à Nicolas. C'est quelqu'un qui, évidemment, sait écrire, puisque rédacteur en chef d'un magazine ouais. comme France Route, c'est sûr qu'il sait faire des articles. J'ai la préface. J'ai la préface intitulée Messie de la Sibie et signée Nicolas ouais. Grumel, rédacteur en chef de France Route, que l'on salue. Et tu avais un témoignage de Norbert, tant pour moi. Norbert Yedel, qui est le président d'une ligue qui est le RCI. Voilà. Oui, enfin maintenant qui est la force en fait, la fédération des. Ouais, ça a changé. Ça change beaucoup. Hein, c'est. Et c'est aussi. C'est aussi dans la dernière version que tu n'as pas du coup, parce que j'ai fait une réédition en 2024 de ce livre, et j'ai un témoignage de Nicolas Ponce qui a pour particularité. Oui, je connais Nicolas. De faire des contacts à longue distance, voilà. De faire des contacts à longue distance, mais uniquement avec un poste portable. Oui, tout à fait, ouais, je connais Nicolas. Il a fait des contacts extraordinaires. Ouais, je vois notamment, là, je le feuillette un petit peu, que la police nationale ou la gendarmerie était équipée aussi de temps en temps sur des motos de Sibir. Enfin, il y a plein de choses. Alors, plein de choses très intéressantes pour les gens qui veulent relancer la Sibir ou qui veulent un petit peu se perfectionner dans la. Il est très largement écrit. Il fait un petit peu plus de 120 pages, autour de 120 pages. Voilà, 120, exactement. Ouais. Ah, là, tu l'as agrossi un petit peu. 131 pages. Ouais. Alors pour dire, c'est pas l'idée de la photo de l'image de la moto de gendarmerie. C'est juste pour expliquer comment on peut faire un plan de masse sur une moto. D'accord. Ils ont, à ma connaissance, ils n'ont jamais eu la Sibir sur les motos ni les. Alors détrompe-toi. Moi, j'ai fait une descente de Loire en radeau en 91. On a fait Orléans-Nantes. Je modulais depuis plus de 24 heures. Enfin, pas loin. Au début, en BLU, je les avais chopés en BLU parce qu'on était équipés sur le radeau et sur le bateau pilote. Et j'ai été capté. Après, on est passé en AM avec l'opérateur parce qu'on se rapprochait. On avait un signal très fort, 9+30. Et on est passé en amplitude de modulation parce que je rentrais dans le circuit. Et à l'arrivée du passage du pont Winston à Tours, on a dû accoster les bateaux avant pour voir où on allait passer, et c'était moi qui étais resté gardien aussi veu des bateaux le temps que l'équipage et tout ça était passé voir par où passer, par quel goulet passer. Et là, je vois deux motos de la police nationale qui s'emmènent. Bon, moi j'étais en short, en bottes, la casquette marine vissée sur la tête, tout ça. Et puis il y a un des policiers qui arrive, puis il me dit ouais 73, enfin non, il me dit d'abord bonjour, je cherche KKU 45, c'était mon indicatif, et je souhaiterais lui donner les 73. Je dis c'est moi. Là, il me dit enchanté, je suis, il me donne son indicatif radio BLU et son indicatif portable, enfin son indicatif local, et c'était un flic quoi. Donc on a discuté, il m'a dit ouais on est équipé, la BLU c'était en fixe, mais après je t'ai pris avec la moto et mon collègue, on t'a pris en AM, on écoute de temps en temps pour nous informer sur la route et tout ça, et on est resté, on a sympathisé, il nous a donné quelques tuyaux pour passer, pour nous dire où accoster, parce que le soir on voulait manger dans le coin, enfin il nous a fait, et ils nous ont Alors, ils nous ont, le soir, on est allé les chercher, on était sur une île, on a été les chercher en bateau, on a fait une fiesta mémorable. Et le lendemain, il a appelé son groupe de cibistes, son club de cibistes qui était un petit peu plus loin, après Tours et tout ça, pour nous suivre. Et à un moment donné, ils nous ont passé par un pont, ils nous ont passé avec une corde et un crochet, ils nous ont passé du ravitaillement, tu vois ce que je veux dire. Et on est resté pendant quelques temps en contact, j'ai toujours ces coordonnées, mais bon, je sais plus si module et bon. Mais voilà, pour la petite histoire, certains étaient aussi équipés CB. Voilà, bah écoute, on arrive pas loin du final. Malheureusement, le temps passe vite. Donc, tu as écrit ce livre. On peut le trouver où, ce livre, Jean-Guy ? Alors, on peut le trouver sur eBay, sur Rakuten, sur... Sur les meilleures boulangeries du net, quoi, en fait. Non, parce que il n'est pas dans les grands réseaux, disons. Il est dans des endroits où je l'ai mis moi. D'accord. Pour des raisons techniques et pratiques. Et puis après, en me contactant directement à Pharaon 85. Donc tu peux aussi l'envoyer de chez. Excuse-moi, j'ai coupé. Vas-y, redonne ton adresse. Pharaon85@orange.fr. Oui, je peux l'envoyer et faire une dédicace, bien sûr, avec grand plaisir. Téléphone 06 00 00 00 00. C'est ça ? Voilà. Voilà, le 600, comme on disait à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Mais je le sais qu'ils le sont, c'était le 600 hommes, ça. Donc, tu as écrit ce livre. Voilà, mais écoute, moi, je peux te dire que ça m'a fait très, très, très, très, très, très, très plaisir de t'avoir et de pouvoir au moins faire ce contact avec des bonnes ondes positives. Donc, il y a une chose qu'on n'a pas soulevée sur le titre de ton livre. Je vois en rouge, en dessous, il y a marqué « Et si un jour... elle vous sauvait la vie. » Alors, on a parlé tout à l'heure des accidents et tout ça. Effectivement, pour ma part, ayant monté le canal 9 ESU sur Orléans, je pense savoir de parler de quoi je cause, comme dirait l'autre. Je parle très français aujourd'hui, c'est très la France. Mais, voilà, je suis un petit peu toujours ému, hein, un petit peu fébrile à avoir Jean-Guy, qui est devenu d'un copain, c'est de passer à être un ami, et c'est même maintenant un confident pour bien des choses, Internet, voilà, on s'échange beaucoup. Donc, est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que j'ai vu que dernièrement, voilà, les gens avaient du mal un petit peu à communiquer, je pense que ce service, ce système aurait été utile aussi dernièrement, malheureusement, avec les catastrophes qu'il y a eu. Tu peux nous en parler un peu ? Oui, oui, mais ce sous-titre, il a effectivement beaucoup d'importance. Et il y a encore plus d'importance dans la réédition. Donc, je voulais juste expliquer pourquoi ce livre, en fait, parce que je me suis rendu compte, après avoir fait le premier avec toi et Ludivine, quelqu'un m'a dit un jour, mais est-ce que dans ce premier livre, vous expliquez, si on veut acheter une CBI, pourquoi faire, comment, quoi acheter, machin, etc. Je dis non, pas du tout, on raconte notre vécu et l'histoire de la radio, mais c'est très intéressant quand même, mais il n'y a pas ça. Et la personne me dit, bon, ben, ça ne m'intéresse pas, j'en veux pas. Et je me suis dit, mais après tout, bon, j'ai quand même quelques connaissances, beaucoup de pratique, oui, beaucoup de matériel, je peux faire des photos, je peux parler, je connais à peu près le sujet, donc t'as fait un sacré travail, hein. Il manque un guide sur la CB aujourd'hui, les derniers, ils ont 30 ans, à peu près, et ils sont pas spécialement faciles à trouver, enfin, on en trouve entre autres sur les sites de petites annonces, mais bon... Voilà, le matériel qui est dessus est évidemment complètement obsolète. Il y a plein de choses qui... Parce que la CB, malgré tout ce qu'on peut dire, elle est loin d'être morte et elle se développe toujours. On a tout à l'heure parlé d'une société qui a créé la CB en numérique, mais... C'était une des premières sociétés qui a importé les postes en France. Hein. Allez, on va la voir. Ils viennent aussi de sortir un poste avec la BLU, en l'occurrence, bon, c'est Midland, mais on va aussi citer Président et puis CRT, bien sûr, qui sont les trois. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux sur la fréquence. Hein, voilà. Voilà. Et les autres sont pas loin derrière. Hein. Il y a Jopix aussi, ce qui est une marque espagnole, mais qui vend maintenant dans toute l'Europe. Par exemple, il y en a d'autres. Hein. La CB, elle n'est pas morte du tout. Et donc, si un jour elle vous sauvait la vie, justement, j'ai voulu dans la dernière version élargir un petit peu cette partie-là en parlant de survivalisme. Alors, je suis pas plus survivaliste que le survivaliste lui-même, hein, mais il faut bien se dire que en cas de coupure de courant, les téléphones portables et Internet ne fonctionnent plus. Il y a déjà des gens qui ont l'occasion de s'en rendre compte avec les intempéries, avec les tempêtes, avec les inondations, etc., etc. Et une CB, elle, eh ben oui, elle peut fonctionner. Alors, il lui faut du courant, bien sûr, mais il est facile à produire avec un panneau solaire. Une CB portable, on peut l'alimenter très facilement avec un petit chargeur d'accu solaire aussi, ou raccorder le chargeur d'accu à une batterie powerbank qui sert à recharger un téléphone normalement, sur laquelle on peut brancher un chargeur d'accu. Et donc, ça veut dire qu'on peut très vite, au sein même de la population, si beaucoup de personnes voulaient s'équiper ne serait-ce que d'une CB portable, eh bien, en cas de coupure de courant dans une région donnée, même si ces gens-là ne sont pas CBistes, il leur suffirait d'avoir un poste prêt à fonctionner avec des accus ou des piles en bon état. Ils allumeraient leur poste et ils pourraient tout de suite reprendre contact avec les autres. Ouais, ça enlève. L'intérêt, c'est... Ça enlève de l'isolement, ça enlève, ça relie un petit peu les gens. Et puis, moi, j'imagine, voilà, la personne ou la famille isolée, entourée d'eau, par exemple, ou autre, voilà, qui peut continuer, ne serait-ce que pour des médicaments, faire passer tout un tas de choses. Je pense que le gouvernement, s'il nous écoute, je ne sais pas s'il y a des gens du gouvernement, ils sont plus en ce moment dans les élections ou autre, mais voilà, s'il y avait une entité qui pouvait nous écouter, j'avais eu l'occasion de faire passer un courrier à ce niveau-là par le sénateur Jean-Pierre Sueur à Orléans pour qu'il fasse passer ça au ministre de l'époque quand le courrier s'est passé, c'est à monsieur Darmanin. Mais voilà, il y a pas eu de suite, au niveau de la CB, je pense qu'il faudrait alors peut-être changer le système un petit peu, les fréquences et autres. Mais il y a quelque chose à réfléchir, notamment avec les mairies aussi, qui pourraient avoir des mallettes de secours dans ces cas-là, pour pouvoir trouver des partenariats avec les sociétés fabricants et tout ça. Un petit peu, tu vois, ce que je veux dire, les postes PMR, les trucs comme ça. Bah, c'est exactement ce que j'explique dans mon livre, justement. Je dis que, pour moi, il serait important que les mairies, les EHPAD, les hôpitaux, les maisons de pays... les casernes de pompiers soient équipées non pas d'antennes fixes en permanence, mais qu'ils aient un kit prêt à installer avec une batterie, un panneau solaire, une antenne qui puisse se déployer facilement, même une antenne filaire. Une antenne filaire, ça prend pas de place, ça se met entre deux poteaux, deux arbres, deux piquets, ce qu'on veut, entre deux bagnoles, même si on a envie. Parce qu'il faut... et ça permettrait de remettre en route suite à un réseau de communication. Alors évidemment, on est obligé ici de citer nos amis radioamateurs avec l'ADRASEC par exemple. Bien sûr. Donc l'association des radioamateurs au service de la sécurité civile, qui eux sont reconnus et sont là aussi pour ça. Ils peuvent être sollicités du jour au lendemain en quelques secondes par les préfectures pour intervenir. Mais moi là, je parle de la population elle-même et effectivement de certains services publics concerne directement le soutien aux personnes et qui pourrait donc en quelques secondes, alors surtout ne pas déployer d'antenne avant, parce que si jamais il y a une tempête et que l'antenne se casse la gueule, bien sûr, tout ce qu'on aura mis en place à côté, ça ne servira à rien. Mais par contre, avoir une mallette effectivement type caisse militaire étanche qui tient bien le choc. Un technicien, bon, il y en a partout, dans les mairies, les hôpitaux, les maisons de pays, il y a toujours le factotum qui est là, l'agent MacGyver qui sait tout faire et qui peut très bien être formé pour ça. Et voilà, et en quelques secondes, on déploie l'antenne, on déploie le panneau solaire, on met la batterie en route, on branche le poste. Et puis tout fonctionne. Ouais, parce que. Et on peut renouer un contact à courte ou longue distance. Fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, le gouvernement a passé des messages, la trousse de secours, le boîtier de secours, la caisse de secours, oui. Et il y a une radio FM, oui, et tout ça. Parlons-en. Voilà, ben, je te laisse en parler. Alors parlons-en, ben, on va prendre l'exemple de Radio Arc-en-Ciel. Si demain il y a une panne de courant sur Orléans, je ne sais pas comment Radio Arc-en-Ciel va émettre, et les autres non plus d'ailleurs. Mais on ne peut pas. On peut pas. Voilà, on peut parce pas. Que les relais, ne serait-ce qu'en FM, plus d'internet. Déjà, on passe pas par internet. Et puis les relais, ils sont alimentés par l'électricité. Et si les relais sont baignés dans l'eau ou quoi que ce soit, on coupe le jus. Donc il y a plus d'émetteur. Tout voilà. Simplement. Et si le vent n'a pas cassé l'antenne. Ça ouais, arrive aussi que les pylônes tombent. Donc voilà. Donc et à côté de ça, donc dans un kit de survie, on nous indique qu'il faut avoir une radio FM pour écouter les informations. Voilà. Même si elle est à pile ou avec un truc qui se remonte, là, un truc qu'on tourne. Chercher l'erreur. Chercher l'erreur. Bah, l'erreur, elle est là. Alors qu'un PMR, par exemple, ou un poste CB, il n'y a pas besoin de tout ça. Ouais. Voilà. Alors, juste pour donner la différence entre CB et PMR, on n'est pas sur les mêmes fréquences. Voilà, tout à fait. Ouais. Ça reste des appareils qui sont libres d'usage aussi. On n'en a pas parlé non plus, mais la CB, l'usage est libre et gratuit. Il suffit d'acheter le matériel pour que ça fonctionne. Voilà, et le PMR, il y a... Voilà. La CB est plus puissante puisque la réglementation, c'est 4 watts. Et c'est pas sur les mêmes ondes. C'est pas sur les mêmes ondes et c'est pas sur les mêmes modes de modulation. Les fréquences. PMR, il est en 446. Enfin, l'usage utilitaire de tout monsieur et tout le monde. C'est ça. La CB, elle est sur 27 mégas. Donc, elle est en HF et l'autre est en UHF. En UHF, 8 à 16 canaux. Ouais. 8 à 16 canaux répartis entre le 446 et le 446. Voilà, 200 là, on les voit beaucoup dans les randonnées, les chasseurs, enfin plein de choses. Côté loisirs. Hein. Voilà. Des sociétés privées ou les administrations privées telles que le SMUR et tout ça qui peuvent aussi être équipées de ce style, mais après c'est des fréquences privées qui sont payantes avec des fréquences dégagées pour et qui ne sont plus écoutables, qui sont cryptées, mais bon après ça c'est un autre débat, ça sera peut-être le sujet d'une émission prochaine sur les secours, pourquoi pas. Jean-Guy, il va être temps de nous quitter. Alors avant de passer un dernier titre qui sera d'une personne que je connais qui a écrit un texte qui est un petit peu poignant sur la grosse tragédie qu'il y a eu au premier de l'an du côté de la Suisse. Là, il a écrit un texte et je passerai son morceau juste en finale après t'avoir eu pour passer sur la deuxième la deuxième partie de mon émission qui sera, elle, dédiée aux musiciens et aux artistes du Loiret. Je sais que tu es handicapé, ça on l'a dit au début, et je sais que tu es très, très pris par tout ce qui est... Tu es président d'une association qui s'appelle... Action Handicap Vendée. Voilà, tu aimes bien le côté associatif et le côté utilitaire. Tu as essayé de travailler un petit peu avec la mairie de ça pour faire avancer les choses et tu travailles toujours en partenariat en accord avec eux et tu travailles beaucoup. Je sais que tu as rencontré Philippe Crozon. Je n'ai pas pu aller voir malheureusement, mais que j'estime aussi beaucoup. Tu l'as rencontré, tu travailles beaucoup pour faire améliorer. On a parlé longuement des apports du handicap et notamment des jeux paralympiques. Mais là, toi, tu t'es attaqué à une autre chose. Et mes renseignements, ils sont bons, ils sont justes. Est-ce que tu es cap ou pas cap avec le handi? Ouais, tout à fait. Oui, Action Handicap Vendée, oui, c'est beaucoup de temps, c'est une partie de ma vie aujourd'hui puisque j'en suis président. Je suis président d'une autre association aussi plus dédiée donc à Nancy dont on a parlé tout à l'heure et au monde du spectacle en général et littéraire, ça s'appelle Miss Nancienko. Donc Action Handicap Vendée, on est présent au sein de différentes commissions, on essaye de faire bouger les choses, d'être un lien entre les personnes en situation de handicap et les élus. Et puis donc après avoir écrit co-écrit donc deux livres sur cette passion que j'ai pour la CB et pour la radio. Depuis un certain temps, je planchais sur un livre sur le handicap parce que j'ai un vécu là aussi. Donc j'en avais un peu gros sur la patate. J'avais beaucoup de choses à. C'est bien de pouvoir parler. Beaucoup de choses à dire et peut-être même à évacuer. J'en sais rien. Et donc je viens de faire un livre qui va être bientôt disponible. Sur tous les grands réseaux, je dirais. Je le fais en auto-édition, mais il va être disponible quand même un petit peu partout. Et qui s'appelle donc Handicap ou pas cap. Handicap relate, Handicap, c'est ça. Handicap ou pas cap. Ah, d'accord, ouais. Ouais. bien, Qui va relater mon parcours. Alors, c'est pas ma vie privée, mais c'est toutes les embûches et tous les côtés positifs que j'ai eu à cause ou grâce au handicap. Et puis de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, et puis ensuite il y a une deuxième partie avec un état des lieux sur le handicap en France et dans le monde, où j'essaye d'aborder différents sujets comme les hébergements, le loisir, les loisirs, l'emploi, l'école, les formations, la discrimination, la résilience, etc., etc. C'est bien, parce que est-ce que tu t'es renseigné s'il y avait des livres qui étaient déjà sortis à ce niveau-là ou pas ? Oui, mais pas comme tu le fais toi. Cette forme-là, je dirais. Ouais. Un petit peu comme la CB, il y avait pas mal de magazines, tout ça. Il y a eu la tribu des CBs, tous les trucs comme ça. Mais c'était plus écrit par des journalistes qui connaissaient plus ou moins. Mais voilà, de la manière, c'est pas que je veuille en faire l'acte de vente, mais c'est vrai que ces livres qu'on a coécrits, qu'on a écrits et qu'on a fait, voilà, ils représentent toutes nos tripes, notre vécu. Après, ça plaît pas, ça crée des jalousies, ça se comprend aussi. Voilà, mais en fait, voilà, donc ton livre, je voulais en parler, comme tu as répondu présent pour ma première invitation, puis je suis un petit peu l'évolution des gens que je côtoie et que j'invite. Donc je sais que Thierry Scholl sera prochainement, il a été donc en exposition dans le 28, il sera prochainement dans le 45 à Saint-Jean-de-Laruel. Je sais que Sylvie Verchère vient de sortir son livre, donc c'est ma frangine, hein, on va pas le cacher. Elle vient de sortir son livre justement sur l'analyse des rêves. Je devrais rencontrer prochainement les gens qui ont essayé de m'hypnotiser. Enfin, il y a plein de choses qui se bougent et je suis un petit peu, mais les gens que j'invite quand je peux le faire, voilà. Donc je voulais te faire ce petit clin d'œil. Bah écoute, c'est gentil. Merci. On est disponible. Très bientôt, fin mars, début avril. D'accord, donc on aura ça. Je ferai suivre déjà sur ma page. Tu m'enverras les coordonnées, je mettrai ça. Voilà, s'il y a une précommande ou quelque chose comme ça. Tu peux le dire, il y a une précommande éventuellement ? Oui, précommande éventuellement, à mon adresse mail aussi, sur toujours pharaon85@orange.fr, il y a à vendre au prix de 17€, plus les frais de port. Pour l'instant, j'en ai pas encore. Il est en cours de finition, je dirais, donc je sais pas du tout quel poids il va faire. Mais bon, ça sera aux alentours de 20€ pour construire. D'accord, ok, bah écoute, c'est parfait. Bah écoute, dans Dienko, on dit jamais 203, donc on aura bien un troisième sujet à discuter. On a tellement de choses à dire. Ça sera avec plaisir. Arc-en-ciel, 96.2, Orléans. Ça va être l'heure de nous quitter. On va passer dans la deuxième partie sur la pochette surprise, qui est une pochette plus, radio et musique orléanaise. Donc, Jean-Guy, si tu me le permets, les 73, 51, les 88 à Nancy. Et donc, comme on disait dans le jargon, on fait une petite addition de tout ça. Les 2-12 au QRA. Retour sur toi pour le final. Merci beaucoup, les bons chiffres renvoyés, mon ami. Et puis, la bonne roulade et la prudence pour rentrer au QRA. Allez. À bientôt sur la fréquence. À bientôt, à tous. Bye bye. Bye. Voilà. Voilà, et ben c'était donc l'interview de Jean-Guy, qui est situé dans le département 85. Donc, un enregistrement fait par téléphone. Voilà, avec la distance, bien content d'avoir eu au moins l'occasion de pouvoir l'interviewer, malgré les petits problèmes techniques de la première tentative. Et je vais terminer donc cette première partie de cette journée du 12 avec un morceau intitulé « Ils étaient », qui est écrit par un auteur-compositeur-interprète que je recevrai le 16 avril, je crois, c'est ça. Donc, il est auteur-interprète sur la région centre, du côté du 41 ou du 18. Voilà, il sera dans nos studios Arc-en-Ciel, en live, le 16 avril. Voilà, c'est une date qui est confirmée. Et j'aurai donc le plaisir. En attendant, je vous laisse écouter ce titre qui vient juste de sortir et qui s'intitule « Ils étaient ». C'est un hommage aux victimes de la catastrophe qu'il y a eu en Suisse en ce début d'année 2026. Didier&Co, Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 MHz. Ils étaient beaux,